Chapitre 33e. La non-publication du mariage à la mairie d'Aix n'avait pas été une précaution inutile. Suzon avait judicieusement observé Madame Ripert et deviné ses intentions. Ne trouvant point d'auxiliaire, Madame Ripert avait pris le parti d'agir seule. Résignée aux préparatifs du mariage qu'elle ne pouvait empêcher, elle avait résolu d'intervenir au moment de la cérémonie et de faire un tel scandale que le mariage serait impossible. Comment s'y prendrait-elle? Que ferait-elle? Elle n'en savait rien. Mais cette pensée suffisait à occuper sa vie. Elle eut 2 mois de calme relatif. L'agitation ne se manifesta de nouveau qu'à partir du moment où, d'après ses calculs, les affiches devaient être apposées à la porte de la mairie. Se conformant à son plan, elle s'était réhabituée à marcher, à agir, à vivre. Elle avait fait quelques promenades en ville, d'abord accompagnée, puis seule, les médecins ayant déclaré qu'il n'y avait point de danger à la laisser, qu'il y en aurait à la contrarier. À partir du 15 juin, tous les jours, elle se rendit à l'hôtel de ville et lut avec une grande attention les affiches de mariage. Ce qu'elle cherchait ne s'y trouvait pas. Les premiers jours, elle se disait « ce sera pour demain » et elle se retirait, se riant à elle-même, d'un petit air entendu. Après le vin, elle devint plus irritable. D'abord, elle interrogea les curieux, qui venait consulter le tableau, puis elle questionna les employés, les garçons de bureau, les sergents de ville de service. On avait de la commisération pour cette malheureuse, et l'on flattait sa manie. Tout le monde la considérait comme une faible d'esprit, sinon comme une folle. Elle se raidissait. À force de volonté, elle conjurait de nouvelles crises qu'elle sentait menaçantes. L'espoir d'assouvir sa passion la soutenait, et elle parvenait à faire illusion à son fils, à ses domestiques, aux médecins eux-mêmes. Un employé lui avait dit qu'il fallait attribuer ses retards aux suites de la commune. Elle le croyait et attendait. Le mois de juillet était arrivé. Les médecins, par curiosité professionnelle plus encore que par intérêt pour la malade, s'étaient informés. Ils avaient appris que, par ordre, les publications n'avaient pas eu lieu. De plus, des lettres de part en grand nombre étaient parvenues à Aix. Ils délibérèrent. Madame Ripert avait jusqu'à présent surmonté toutes les crises aiguës. Ils jugèrent préférable de lui apprendre brusquement la vérité. Dut la malade s'ourler une fois de plus dans de furieuses convulsions. Ils préféraient cette chance à la probabilité de voir la maladie entrer dans une phase d'hébétement amenée par l'irritation sourde. On s'arrêta à un stratagème. Le grand salon de réception de la maison du cours des Minimes était suivi d'un petit salon donnant au nord, dans lequel Madame Ripert aimait à se retirer pendant les heures de grande chaleur. Elle s'y trouva souvent. Lorsqu'isolément ou en consultation, il venait la visiter. Même alors, elle ne les rejoignait pas en passant par la porte de communication. Elle traversait la maison afin de préparer son attitude et de les mieux tromper. Les médecins étaient sa seule société maintenant. Elle ne voulait pas les éloigner tout en rusant avec eux. Il n'était pas dupe. Plusieurs fois, il l'avait vu se dissimuler de son mieux le long du mur plein et dépasser la porte, car elle n'avait pas toujours la précaution de se tenir du côté intérieur de la maison. Souvent aussi, il s'était aperçu qu'elle l'écoutait. Leur conversation devint de parti pris insignifiante, porta sur tout autre chose que la maladie de Madame Ripert. Le jour fixé pour la révélation, au contraire, l'un d'eux dit « Ainsi, c'est convenu, nous détromperons Madame Ripert. Nous lui dirons avec tous les ménagements voulus que sa fille est mariée depuis 8 jours. » Un cri strident, parti du petit salon, fit tressaillir et sonner ces hommes qui ne s'émeuvent pas facilement. Ils se précipitèrent. Madame Ripert se roulait sur le parquet, se tordant, écumant, horrible. Ils avaient voulu une crise, ils l'avaient, et tellement violente qu'ils n'osaient ni se parler, ni se regarder, tant leur inquiétude était cruelle. Madame Ripert eut une lueur et reconnut les médecins. « Ce n'est pas vrai, » vociféra-t-elle en les menaçant de ses 2 poings crispés. Mais aussitôt, elle retomba pour se relever encore et tenir pendant plus d'une heure 2 hommes vigoureux en échec. Il fallut recourir aux grands moyens et inonder d'eau la malheureuse dont l'exaspération et la fureur devenaient de minute en minute plus sinistres. Au grand étonnement des médecins, la crise calmée ne se reproduisit pas. Madame Ripert demanda des explications d'une voix naturelle, presque avec enjouement, puis je n'avais pas fait suffisamment attention à l'article 169. Il y est dit que le roi peut, pour des causes graves, autoriser la non-publication au domicile des parents. Le roi. Nous sommes en République. Le roi, c'est le chef de l'État. Et il y a toujours un chef de l'État. Seulement, quelle cause grave a-t-on pu invoquer ? Cette apparente résignation ne présageait rien de bon. Madame Ripert était très faible. Les médecins exigèrent qu'elle ne restât jamais seule, ni le jour, ni la nuit. Elle laissa faire et reprit son absolue indifférence. On remarqua seulement qu'elle ne refusait pas les potions et demandait des aliments. Son rétablissement fut rapide. Malgré les recommandations des médecins, on se relâcha de la surveillance, la nuit surtout, Madame Ripert ayant plusieurs nuits de suite dormi tout d'un trait ou simulé un profond sommeil. C'est ce qu'elle voulait. Un soir, elle s'habilla avec beaucoup de soin, mit dans un petit sac de voyage une liasse de billets de banque et des rouleaux d'or extraits de sa caisse particulière, descendit sans faire de bruit, sauta dans son jardin par la fenêtre du salon d'hiver, traversa le jardin, ouvrit la grille et, évitant de faire tinter la sonnette, ne la referma pas, se rendit à la gare où, la figure cachée sous une épaisse voilette, elle prit un billet de première classe pour Paris. Madame Ripert mettait enfin son projet à exécution. Ce qu'elle n'avait pu faire avant le mariage, elle le ferait après. Qu'allait-elle faire? C'était la seule chose qu'elle ne sut pas. Sa pauvre tête oscillait toujours entre l'amour et la haine. Elle avait pour tout le reste la perception très nette de la réalité. Elle avait parfaitement retenu l'adresse de M. de Mulset. Arrivée à Paris, elle descendit dans un hôtel d'ordre, prit un bain, pendant qu'une femme de chambre allait chercher un vêtement complet avec ses accessoires. Quand elle eut changé de toilette, elle se fit conduire en voiture rue d'Aumale. Là, on lui dit que M. de Mulset avait loué un petit hôtel près de la grande avenue du Bois de Boulogne, naguère avenue de l'Impératrice, à ce moment-là avenue Ulrich. Elle reprit sa course du côté de l'Arc de Triomphe, sans chercher une seule fois à reconnaître les désastres laissés par la commune. Il était 10 heures du matin. Depuis 36 heures, Madame Ripert avait quitté Aix. Sa fuite avait été constatée seulement le lendemain matin. Le bruit s'en était répandu assez rapidement dans le quartier, mais Madame Ripert était tombée dans l'oubli. Ce ne fut guère que l'après-midi que sa disparition devint un événement. Dès qu'il l'apprit, M. de Wilberg télégraphia à Julien. Malheureusement, il ne connaissait pas sa nouvelle adresse. Il envoya sa dépêche rue d'Aumale. Soit qu'elle fût arrivée trop tard, soit que l'employé eût été négligent, la remise du télégramme au destinataire n'eut lieu que le lendemain matin et même assez avant dans la matinée. La première pensée de Julien fut de recommander au concierge de la rue d'Aumale de ne pas donner son adresse. Il chargea Miette de cette commission. Miette sortait de l'hôtel au moment même où Madame Ripert descendait de voiture. Madame Ripert la reconnut et allant à elle, « Tu vas me conduire chez ton maître. » « Vous vous trompez sans doute, madame, » répondit la rusée camériste. Madame Ripert eut un mouvement de rage, mais se maîtrisant, « Voyons, ma petite Miette, tu sais bien que je t'ai toujours aimée. Je suis une bonne femme, après tout. C'est dans l'intérêt de ma fille. » « Madame la comtesse est auprès de sa mère, madame. Vous voyez bien qu'il y a erreur. »« Ah, il y a erreur. Alors, pardon. » Elle remonta dans sa voiture qu'elle fit placer en observation non loin de l'hôtel. Quelques instants plus tard, Miette, après avoir fait un détour, venait avertir Julien et ne ressortait pas. Madame Ripert, comprenant qu'elle était trop en vue, aussi rapprochée de la maison, ordonna à son cocher d'aller se poser à l'entrée de la rue, du côté de Paris. De là, elle verrait certainement Julien, l'arrêterait au passage s'il était à pied, le suivrait s'il était en voiture. Après une demi-heure d'attente, tout au plus, elle vit sortir un élégant coupé. Bientôt parut Julien, qui regarda dans toutes les directions et, n'ayant pas vu Madame Ripert, monta dans sa voiture qui partit au grand trot pour Paris. Madame Ripert avait suivi tous ses mouvements. Avant que le coupé eût atteint son fiacre, elle avait conclu un marché avec le cocher qui, moyennant 20 francs de pourboire, s'était fait fort de lutter de vitesse avec n'importe quelle voiture. Il avait un cheval excellent, non encore fatigué. Jamais les fiacres de Paris n'ont marché comme après la guerre. Presque tous les chevaux, mangés pendant le siège ou réquisitionnés, avaient été renouvelés. Cependant, il eut de la peine à suivre le coupé de Julien. Il y mit, probablement par intérêt, quelque peu de mauvaise volonté. À chaque fois que la distance était trop marquée, Madame Ripert lui donnait 20 francs pour l'exciter, et qui plus est 20 francs en or, à une époque où un louis était une curiosité rarissime à Paris. Cette course coûta fort cher, mais le fiacre arriva rue d'Aumale en même temps que le coupé. Julien avait pensé que Madame Ripert retournerait rue d'Aumale. Il venait lui-même donner des instructions à son ancien concierge qui, obséquieusement, le reconduisait jusqu'à la voiture. À ce moment, Madame Ripert, s'élançant de son fiacre, vint se placer devant la portière du coupé de Julien et relevant sa voilette. « Me voilà !» s'écria-t-elle. Julien eut un haut-le-corps. « Madame, quelle imprudence !»« Allons donc, je t'aime !» Et elle ouvrit les bras en se portant vers le jeune homme. Julien recula vivement. À cette manifestation de terreur et de dégoût, Madame Ripert, ne se contenant plus, irrémédiablement folle désormais, se jeta sur Julien comme une forcenée et s'attacha désespérément à ses habits en criant des mots inconnus. De ses mains furieuses, elle cherchait à retenir sa proie. Julien faisait de vains efforts pour se dégager. La rue d'Aumale, d'habitude déserte, a été très animée après la commune. On allait en pèlerinage voir la maison de M. Thiers qui avait été démolie. Un attroupement se forma tout aussitôt. « C'est une pétroleuse, » dit quelqu'un. « C'est une pétroleuse, » répéta la foule. On lui eut fait un mauvais parti ici, aidé par son cocher et le concierge. Julien ne fut parvenu à pousser Madame Ripert dans le couloir de la maison dont on ferma la porte. On fut obligé de maintenir Madame Ripert à 3 ou 4 personnes et à l'empêcher de force de se jeter de nouveau sur Julien, à qui elle envoyait des baisers, ou bien qu'elle injuriait, tantôt riant, tantôt disant des choses inénarrables, ou chantant des chansons de sa composition, instantanées sans doute, car elles auraient fait rougir des carabiniers. Fort heureusement, le commissaire de police du quartier est tout près, passage La Ferrière. On l'envoya chercher en toute hâte, et il se présenta, accompagné d'une escouade de gardiens de la paix. Ce n'était pas une pétroleuse qu'il devait arrêter, c'était une folle dont il fallait s'assurer. Le commissaire comprit de quelle folie la malheureuse était atteinte, rien qu'à voir les désordres de la toilette de M. de Mulset. Il l'avertit discrètement. Julien, confus et rougissant comme une jeune fille, se réfugia dans la loge. Sur l'ordre du commissaire, le cocher de fiacre, qui déclara sa course payée, alla chercher une voiture à 4 places. On y porta Madame Ripert, qui fut conduite, sous la garde de 3 vigoureux gardiens de la paix, au dépôt de la préfecture de police pour subir l'examen des médecins aliénistes attachés à l'administration. Julien s'y rendit aussi pour donner des explications et faire prévenir administrativement la famille. Il tenait à rester à l'écart et à éviter à sa femme les émotions de cette lamentable chute. Madame Ripert fut envoyée à la salpêtrière et placée dans la section des agités. C'est l'euphémisme que l'on emploie pour désigner les folles furieuses. Lorsque le jeune Ripert, accompagné de son associé, fut arrivé à Paris, on lui conseilla de laisser la pauvre femme dans cet établissement modèle où l'on tenterait tout ce qu'il est humainement possible de tenter pour la rendre à la raison. Les savants spécialistes de la salpêtrière n'avaient aucun espoir. Ils le dirent à leur confrère, le docteur Voitoux, auquel ils expliquèrent scientifiquement les motifs de leur croyance. Le docteur décida cependant Julien à une dernière expérience. Ils firent ensemble une visite à la salpêtrière. Madame Ripert ne reconnut pas Julien, mais comme s'il l'avait instinctivement deviné à sa présence, elle eut une crise de fureur qui nécessita l'application d'une vigoureuse douche. Julien baissa la tête. Par un naturel enchaînement d'idées, il en vint à n'être pas sans inquiétude personnelle. Le docteur Voitoux eut pleinement conscience de ses préoccupations que peut-être il avait voulu susciter. Pendant qu'ils sortaient de la salpêtrière et qu'ils allaient rejoindre leur voiture, il lui dit, résumant ses théories et renouvelant ses affirmations, « Le traitement par l'eau est préventif, curatif ou répressif. Il ne peut y avoir cumul. L'hygiène vaut mieux que la médecine et rend inutile la répression. Voilà pourquoi je suis pour les traitements préventifs. Je ne crois pas à l'hérédité absolue des tempéraments. Toutefois, si j'avais des enfants, je les soumettrais de bonne heure à l'entraînement des forces par la gymnastique et l'hydrothérapie. Je leur chercherais des conjoints élevés de la même manière. je serais ainsi à peu près certain qu'il y aurait égalité ou tout au moins proportion dans les tempéraments. La malheureuse que nous avons vue est tombée par degrés d'une haute et puissante intelligence à l'état de brute. Si elle avait été domptée dès son enfance, elle n'aurait pas eu les passions funestes de sa première et de sa seconde jeunesse. Si elle avait été dominée à ces époques de sa vie, elle n'aurait pas eu l'affolement irrémédiable de son âge mûr. Soyez sans crainte. Mélanie n'est pas exposée à de semblables accidents. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, physiologiquement et moralement, c'est une vraie femme. Ainsi s'achève La Vierge de Mabie d'Henri Escoffier.